En Bohême était jadis un pauvre meunier dont la vie était assez misérable. Le pauvre était accablé de maladie. Se sentant à l'article de la mort, il convoqua ses trois fils qu'il avait toujours aimés comme un père doit aimer ses enfants. Tous trois pleuraient presque en silence à son chevet. « C'est à toi, l'aîné, que doit revenir le moulin. Tu as l'expérience, tu sais moudre la farine et... il n'y a aucun doute, tu sais faire la meilleure de toute la région. Toi, le second, tu auras l'âne. Ainsi, tu pourras effectuer les livraisons. Et à vous deux, vous pourrez monter votre petite entreprise. Et quant à toi, mon pauvre cadet, je n'ai rien d'autre à te laisser que Chouminou. » Il faut vous dire que Chouminou était un chat. Eh oui, un chat. Rien qu'un chat. C'était bien peu de choses comparé à ce dont héritaient ses deux autres frères. Mais c'était tout de même un bon chat. Et après tout, il l'aimait. Mais tu verras, c'est un bon chat. Prends-en bien soin. Et peut-être prendra-t-il soin de toi. Qui sait? La vie réserve parfois bien des surprises. C'est à cet instant-là que le pauvre meunier rendit son dernier souffle. Adieu. Oh. Ainsi, il ferma les yeux pour la dernière fois, sans douleur, sans rancune, sans regret et sans remords. Il ne fallut pas longtemps aux frères cadets pour comprendre que ses deux frères le considéraient comme une bouche inutile. Tous deux travaillaient au moulin. Pendant ce temps-là, lui caressait son chat, se promenait avec lui et même lui parlait comme à un ami. Il ne se plaignait pas, mais ses deux frères meuniers sentaient qu'il portait en lui l'amertume de n'avoir eu pour seul héritage qu'un maigre chat. J'étais loin d'imaginer que mon père m'avait laissé le plus précieux des trésors. Tout en quittant le décor, je n'étais que le cadet aux yeux de mes chers aînés. Une bouche de trop à manger, il me fallait l'équité. Avec un chat en héritage, avec un chat pour tout bagage. Avec un chat en héritage, avec un chat pour tout bagage. Rêve de lamentation dans cette autre situation. Il me fallait réagir pour envisager l'avenir. Le chat pour tout héritage, je rêvais là un bon partage. Jamais je n'aurais pensé avoir une telle destinée. Avec un chat en héritage, avec un chat pour tout bagage. Avec un chat en héritage, avec un chat pour tout bagage. Avec un chat en héritage, avec un chat pour tout bagage. Avec un chat en héritage, avec un chat pour tout bagage. À chacun sa part. Nous avons le moulin et l'âne, cela suffit à peine à nous nourrir. Toi, tu as le chat et c'est bien ainsi. Cela te met à l'abri du travail au moins. Si tu as faim, mange ton chat, il paraît que c'est bon. Monsieur mon jeune maître, ne vous inquiétez pas, je suis beaucoup plus qu'un chat. Et je vous assure que vous n'avez pas été volé dans ce marché. Tenez, vous n'avez qu'à me donner un sac et une paire de bottes, et vous verrez peut-être que vous n'avez pas si mal hérité que cela. Oh mais, tu parles? C'est déjà énorme. Maintenant j'ai un ami avec qui échanger des idées et parler de la pluie et du beau temps. Mais, mon gentil chat, je ne vois pas très bien ce que tu pourrais faire avec un sac et des bottes. Mais bon, après tout, je te les donne bien volontiers, nous verrons bien. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement, et mettant son sac sur son dos, il s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit des grains d'avoine dans son sac, et s'étendant comme s'il eût été mort, Il attendit que quelques jeunes lapins peu instruits encore des ruses de ce monde viennent se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. Et il eut bientôt ce qu'il attendait. Plusieurs jeunes lapins étourdis mais bien dodus s'y glissèrent sans se méfier et Maître Chat, tirant prestement les cordons, les garda prisonniers. Et puis, il s'en alla directement chez le roi et demanda à lui parler. « Monseigneur, voilà six beaux lapins de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, mon maître, m'a chargé de vous présenter de sa part, avec tous ses respects et compliments. »« Dis à ton maître que je le remercie et qu'il me fait grand plaisir. Mais par ma barbe, je ne connais pas ce marquis de Carabas. » C'est un jeune gentilhomme, sire, tirant bonté, beauté, vertu. Sa force n'a pas son pareil. Et il prit ainsi l'habitude de demander audience au roi pour lui présenter, toujours de la part du marquis de Carabas, soit une paire de perdrix, soit un beau coq faisan, soit quelque autre gibier de choix. De sorte que le roi le prit en grande amitié et finit par exprimer le désir de rencontrer bientôt cet aimable marquis de Carabas qu'il ne connaissait pas, mais qui lui offrait sans cesse des cadeaux. Moi j'ai vu un chapeauté avec un sac sur le dos, posé de nombreux collets dans la carène très très tôt. Les lapins prisonniers étaient portés en cadeau pour entretenir l'amitié directement au château. Foi de cadet, foi de marquis, faisons confiance dans cette errance. Au chat beauté, je vous le dis, au chat beauté, parole de souris. Foi de cadet, foi de marquis, faisons confiance dans cette errance. Au chat beauté, je vous le dis, parole de souris. Et le roi, très touché de se voir offrir ses présents, manifesta de l'intérêt au chat beauté plein d'élan. Foi de cadet, foi de marquis, faisons confiance dans cette errance. Au chat beauté, je vous le dis, au chat beauté, parole de souris. Foi de cadet, foi de marquis, faisons confiance dans cette errance. Au chat beauté, je vous le dis, parole de souris. Les largesses font leur chemin et le chat poursuit son nid. Et personne n'en verra rien. Le cadet sera sacré. Vaut mieux ne pas être une souris quand le chat s'est annoncé. Ça le met en appétit. Le cadet sera marquis. Foi de cadet, foi de marquis. Faisons confiance dans cette errance. Au chat beauté, je vous le dis. Au chat beauté, parole de souris. Foi de cadet, foi de marquis. Faisons confiance dans cette errance. Au chat beauté, je vous le dis. Parole de souris. Un jour que le chat beauté sut que le roi devait aller en promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître. Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai et ensuite me laisser faire. Le marquis de Carabas fit donc sans discuter ce que son malin chat lui conseillait, sans savoir à quoi tout cela allait servir. Il se laissa mener vers la rivière et retira tous ses vêtements. Et il plongea bravement. Au moment où le carrosse du roi, escorté de nombreux cavaliers, s'approcha, le chat se mit à crier de toutes ses forces. « À l'aide ! Au secours ! Hélas ! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie ! » Le roi mit le nez à la portière, inquiet et en même temps intrigué que le marquis de Carabas se trouvât là, en ces lieux, au moment même où son cortège passait. « Mais c'est le chat beauté qui nous apporte si on veut du bon gibier. Gardes et écuyers, allez vite au secours de monsieur le marquis. » Le chat s'approcha du carrosse royal en faisant mine d'être tout excité et inquiet pour son maître. « Comment ce malheur est-il donc arrivé, monsieur le chat beauté ?»« Ah, sire, mon maître est parti de sa maison, chargé de bagues, de joyaux et autres pierres précieuses dont il venait vous faire présent. Et En chemin, il a été attaqué par des voleurs qui lui ont tout ôté jusqu'à sa chemise. Pensant le noyer, l'ont jeté à la rivière. Mais alors, le marquis n'a plus aucun vêtement ? Hélas, sire, le marquis de Carabas est tout nu. Oh. Oh. Oh. Oh. La princesse rougit et se voila les yeux de ses jolis doigts en les écartant quelque peu toutefois. Qu'à cela ne tienne, messieurs les officiers de ma garde, de ma garde-robe, allez sur l'heure quérir un de mes plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Il mérite bien un tel égard. Et lorsque notre marquis fut ainsi pompeusement paré de beaux et riches accoutrements, il fut mené devant le roi et la princesse, qui le reçurent avec beaucoup d'amabilité. Il faut dire que cette parure relevait sa bonne mine, car il était beau, musclé et bien fait de sa personne. Et la fille du roi le trouva fort à son goût. Notre faux marquis lui jeta deux ou trois regards fort respectueux et un peu veloutés. Elle en devint toute troublée. Le roi pria le marquis d'être de la promenade et le fit monter dans son carrosse personnel. Le chat, ravi de voir que ses projets commençaient à réussir, prit les devants. Il faut dire que ses bottes lui permettaient d'aller beaucoup plus vite que les chevaux, car ses bottes étaient un peu magiques. Et rencontrant des paysans qui fauchaient un immense champ de blé, il les rassembla et leur dit « Que faites-vous ici, pauvres gens ? Fuyez de par Dieu ! Fuyez en toute diligence si vous ne voulez pas être pendus ! Car voici le roi et une grande troupe de gendarmes qui ne failliront à vous pendre ou tuer. Ils viennent pour prélever des impôts supplémentaires et s'ils vous trouvent et que vous ne pouvez les payer, sa colère sera terrible. Ah ! Je les entends qui arrivent ! Les voici déjà à vos talons ! Mon Dieu, nous sommes perdus! Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, Seigneur! Il n'y a qu'une chose qui puisse vous sauver, et vite! Dites que le domaine que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas. Sinon, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Lui saura vous tirer d'affaire. Il paiera l'impôt à votre place. Oh, c'est un homme très généreux. Suffit d'un peu de poudre aux yeux, d'un scénario bien orchestré, d'un chat gonflé et très précieux, et d'un prince dans sa nudité. Suffit d'un peu de vivacité, de prendre ses bottes à son cou, de s'assurer près des fermiers qu'ils se plieront à vos genoux. Il suffit, suffira de croire, quand on est marquis de Carabas, de croire au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir du chat. Suffit d'une princesse amoureuse et d'un grand roi fort alléché, d'un ogre aux pensées vaniteuses et d'un chat beauté très pressé pour rendre au marquis de Carabas à son seul maître. Mais les pauvres paysans n'eurent pas le temps de se sauver, si bien que le cortège arriva à leur hauteur et s'arrêta à leur vue. Et dès que le cortège fut arrivé, le roi ne manqua pas de demander aux faucheurs « Bonnes gens, à qui sont donc tous ces beaux blés que vous fauchez ?»« C'est à monsieur le marquis de Carabas. » Cependant, le chat qui allait toujours devant rencontra dans un autre grand domaine des pasteurs et des bergers qui faisait paître des troupeaux de belvaches, de beaux bœufs, de moutons laineux et de grasses brebis qui moutonnaient jusqu'à perte de vue. Et à nouveau, il leur raconta la même histoire. « Mes amis, si vous ne dites pas que tout ce beau bétail appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le cortège royal arriva à hauteur de ses bergers. « Bonnes gens, à qui appartient donc tout ce beau bétail ?»« C'est à monsieur le marquis de Carabas, ça c'est sûr. Hein, hein Jean, hein, c'est bien à lui. » Le maître chat arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre. Le plus féroce, le plus gros et le plus riche qu'on ait jamais vu. Car à la vérité, toutes les terres par où le roi était passé étaient de la dépendance de ce château. L'ogre le reçut aussi civilement qu'un ogre peut le faire. « Qu'est-ce que c'est ? Qui es-tu ? » « Sire ogre, on m'a assuré que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion ou en éléphant. Et je serais bien curieux de vous voir accomplir un tel tour de force. » La vanité de l'ogre était si forte qu'il ne put résister à montrer immédiatement ce qu'il savait faire. « Cela est vrai. Et pour vous le prouver, vous m'allez voir devenir lion. Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il grimpa au rideau en un éclair, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour grimper sur les tissus. Puis s'apercevant que l'ogre avait quitté sa force de lion, il redescendit. « On m'a assuré encore, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme de plus petits animaux, tels que rats ou souris. Oh, je vous avoue que je tiens tout cela pour tout à fait impossible. » Décidément, la vanité fait faire aux hommes comme aux ogres bien des bêtises. « Impossible ! Sachez que qui peut le plus peut le moins. Regardez !» Et devenu souris, l'ogre se mit à trotter sur le plancher. Le chat, qui n'avait pas les deux pattes dans la même botte, se jeta dessus et le mangea le plus rapidement du monde. Comme tout chat sait manger une souris. Cependant, le roi qui vit en passant ce fastueux château voulut y entrer et le visiter sur le champ. Le chat, qui entendit le bruit du cortège passant sous le pont-levis, courut au-devant et dit au roi « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas !»« Comment, excellence ? Ce château est encore à vous ? Il ne se peut rien de plus beau que cette cour, tous ces bâtiments qui l'environnent et toutes ces tours qui la couronnent. Voyons-le dedans, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse et l'on visita le château, qui était en tout point royal. Dans la grande salle, une magnifique collation se trouvait toute prête. Le chat avait fait du bon travail, et les centaines de serviteurs étaient tous heureux de reconnaître pour leur maître ce jeune seigneur magnifique à la place de cet ogre tyrannique qui ne leur avait fait jusqu'à présent que des misères. Changer de maître dans ces conditions n'était pas un problème. Donc, ils ne dirent pas un mot. Après avoir copieusement mangé et bu, le roi dit « Il ne tiendra qu'à vous, illustrissime marquis de Carabas, que vous deveniez mon gendre. Enfin, si ma fille bien-aimée accepte de vous épouser, car en vérité, vous êtes le plus charmant garçon que j'ai jamais rencontré. Et surtout, un des plus riches. » Les noces furent donc célébrées, toute affaire cessante, tant tout le monde était content. Mais la joie de notre marquis était tempérée d'un ennuyeux souci. Au beau milieu de la fête, il avisa dans un coin son bienfaiteur, le chat. « Oh, mon chat, mon ami, je te remercie, mais il me prend un scrupule. Dans tout ceci où je fus tant complice, avons-nous été bien honnêtes ?» Oh là, mon maître, je vous arrête. Tenez, de plus en plus, vous me plaisez. Mais je ne suis qu'un chat. Je n'ai été mis sur cette terre que pour attraper les souris. Vous autres, les hommes, y avez été mis, paraît-il, pour bien autre chose. Et ce n'est pas un pauvre chat comme moi qui peut vous dire pourquoi. Mais aujourd'hui que vous voici riche, amoureux et puissant, je ne doute pas que vous sachiez tenir dignement votre rang et surtout faire de moi un chat heureux. Comment chasser dans la campagne les méchants et les profiteurs, les maîtres qui crient de tant de hargne sur tous leurs fervents serviteurs. Il faut un chat pour y entrer, mais de préférence bien beauté, des êtres plus qu'intéressés de voir changer leur destinée. C'est grâce au chat beauté beauté que nos vies ont changé. C'est grâce au chat beauté beauté qu'on peut enfin rêver. C'est grâce au chat beauté beauté que nos vies ont changé. C'est grâce au chat beauté beauté qu'on peut enfin rêver. Tout est bien, oui, qui finit bien. Les serviteurs sont enchantés, tout comme le chat seul dans son coin n'en finit pas de digérer. La princesse est plus qu'honorée, le roi apaisé est comblé de voir ainsi sa fille aînée, au bout du compte fort bien mariée. C'est grâce au chat beauté beauté que nos vies ont changé. C'est grâce au chat beauté beauté qu'on peut enfin rêver. C'est grâce au chat beauté beauté que nos vies ont changé. C'est grâce au chat beauté beauté qu'on peut enfin rêver. Et c'est ainsi que Chaminou, moi, le chat si malin, ne parle plus jamais. Je me contente de ronronner doucement sur les coussins de satin que mon maître met à ma disposition dans une chambre spécialement aménagée. Votre chat est-il devenu muet ? Le marquis se contenta de lui répondre. Vous savez, sire, les chats ont leurs humeurs. Peut-être un jour se décidera-t-il à nous adresser à nouveau la parole. Ainsi se termine cette histoire. La morale, me direz-vous ? Eh bien, c'est que dans la vie, il faut savoir tirer profit de ce que la nature vous donne. Si c'est un moulin, c'est un moulin. Mais si c'est un chat, il faut être bon avec lui. Un point, c'est tout. Car quelquefois, un chat n'est pas seulement un chat. Ce peut être aussi un magicien.